la caserne d'un régiment de cavalerie. L'heure de l'appel va sonner. Dans la chambrée, Édouard d'une main tient une chandelle, de l'autre il en protège la flamme. La porte s'ouvre. Entre l'adjudant de Sommaine, le billet d'appel à la main. Silence à l'appel. Manque personne, mon lieutenant. Comment ça, il ne manque personne? Là, une chambre de 12 lits où vous êtes tout de suite trois. Eh, dame, mon lieutenant, vous savez ce que c'est? Quand c'est que les Bleus viennent d'arriver, c'est aux hommes de la classe à prendre la semaine et la garde à la police, à l'écurie et tout. Et d'ailleurs, pouvez-vous assurer? Oh, je le sais bien que je peux m'assurer. J'ai pas besoin de votre permission. Je disais ça. Parce... D'abord, pourquoi nous est-ce-vous qui rendez l'appel ce soir? Où est le brigadier sauvage? À l'hôpital. À l'hôpital? Ah, ben c'est bien le moment de tirer au cul. Oh, il tire pas au cul, mon lieutenant. Il est arrivé un sale coup au pansage cet après-midi, un coup de sabot en pleine figure. C'est bon. Qui couche là? Chaussier, puis lit, salle de police. Cabriole, garde d'écurie. Liandier, garde de police. La biscotte, trompette, permissionnaire de 10 heures. Comment vous appelez-vous? Marabout. Vous êtes un bleu, vous? Oui, mon lieutenant. Et vous en avez bien l'air. Et vous n'avez pas de bretelles? Prenez votre couverte, vous allez descendre à la boîte. C'est jeune, mon lieutenant. Ça compte à l'escadron de seulement ce matin. Ça c'est pas encore. Raison de plus, ça lui apprendra. D'ailleurs, on a besoin de beaucoup d'hommes punis pour casser le matin la glace des abreuvoirs. Oh, ça, mais c'est dégoûtant ici. Eh ben, en voilà une bouge. Quelle chambre? C'est moi. Eh ben, je vous fais mon compliment. D'écart, une gamelle, c'est du propre. Vous n'êtes pas un bleu, vous. C'est pas de ce matin que vous comptez à l'escadron. Vous la connaissez, il y a belle lurette. Oui, mais l'important, c'est pas de la connaître, c'est de la pratiquer. Voilà. Bah, méditez cette parole et prenez votre couverte. Lidoire. Mon lieutenant. Demain matin, au réveil, vous me commanderez 4 hommes de corvée pour le pain. 4 hommes? Je pourrais jamais, mon lieutenant. J'avais déjà que 3, et sur les 3, on en voilà déjà 2 désignés pour la corvée de glace. Et il faudra que j'en trouve 4 pour la corvée de pain. Oui. Et où c'est-y que vous voulez que je les prenne? Les prendrez où vous voudrez, si vous croyez que ça me touche. Enfant de salaud qui dit, si vous croyez que ça me touche. Bien sûr, ça devrait te toucher, sale tringlo, turco, fantabos. À voler, silence à l'appel. Mon garçon, mon lieutenant. Ça me démolit, moi, ces choses-là. Moi, ça me coupe mes moyens, Razibus. Je voulais justement préparer ma revue de détail pour demain, astiquer mon fourbi et tout. Eh bien, je vais te préparer pot de balle et pot de zébi en fait d'asticage. Je vais astiquer ma plaque de couche et allez donc, ça fait le compte. Ce pantalon qui vient pas, là. Là, ça y est. Ah, la classe, bon Dieu. La classe. Hé, hey, Lidoire, demain au réveil, j'ai besoin de 4 hommes pour la corvée de pain. Zut. En galop, pantalon de drille et blouse, les 4 hommes. Zut. J'ai oublié de vous dire, Lidoire, en veste et en pantalon de cheval, les 4 hommes pour la corvée de pain, hein, veillez-y. Mon lieutenant, c'est... Et képi. Oh, voleur de métier où tout le monde commande, s'inquiète seulement un lascar pour savoir de quoi qu'il retourne. En veste, qui dit l'un. En blouse, qui dit l'autre. Et de veste en blouse, de bottes en sabots, de pantalon de cheval en pantalon de treillis, je finirais bien par prendre moi aussi ma couverte et descendre la boîte. Et il y en a comme ça qui rengagent, mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils aillent dans la peau? Oh. Alors là, s'il n'y a jamais qu'un congé de rengagement pour me tomber sur une dent creuse, je ne suis pas prêt d'avoir une fluxion. La chandelle. Bonsoir, ma cocotte. Qui c'est qui est là? C'est toi, la biscotte? Oui, c'est moi, mon pourrieux. Sissou comme une vache. Viens te coucher si c'est que t'es plein. Mon vieux salaud m'avait dit une bonne chose. Me rappelle plus où qu'est mon pucier. Tu te rappelles pas où est ton pucier? Non, mon vieux. C'est pas comment que ça se dit, je me rappelle pas où qu'il est. Où qu'il est, mon puissier, l'idouard. Oh, c'est dit quoi, un homme cabu quand même. Attends, je me lève. Oh, c'est froid, hein. Allons, arrive. Et là, là, et attention, dans là. Tu vas te foutre la gueule par terre, là. C'est sou. Ah, je le crois bien que t'es sou. Il s'est même payé ta fiole salement, le type qui t'a vendu ça pour du sirop de radinoir. Viens, lève-la, ton puissier. Allez, couche-toi, là. Ah, moi, je me recouche aussi. Je suis allé. Bonsoir, bonsoir, se faire. Ça, c'est des copains. Alors, c'est beau. Bon. Ah, qu'est-ce que tu fabriques, la biscotte? C'est dit que tu n'as pas de pagnoté, non? Mon pauvre vieux, ouais. Je vais dire une bonne chose. Je peux pas retirer ma culbute. Ah, tu ne vas pas te déculoter? Non, mon vieux. Eh bien, il y a du bon à ce heure-là. Il faut encore que je me lève, moi, alors. T'as pas le trac. Tu le sais bien. Allez, encore ce gelé, là. T'as de la veine d'être un pays, va. Allez, mets-toi là. Attention. Ouais, c'est ça. Mon vieux salaud. Il rit de me rigoler, tu sais. Oui. Il y a un civil qui m'a mis une claque. Allons donc. Oui, mon vieux. Je l'ai rencontré chez la mère Paquet, le civil. Trompette, qu'il est comme ça. C'est ce que c'est, d'être trompette. Je l'étais, moi, trompette, qui dit. Bon Dieu, c'est tissu. Mais non, c'est des menteries, tout ça. C'est des menteries. Mais quand je te le dis, allez, mets tes fesses là, va, vieux farceur, que je t'enlève tes sous-pieds. Pour t'en venir au civil. Oui. Eh ben, mon vieux, comme c'est dit, t'as une peur d'être trompette, quoi, corps. Pousse-toi, tourne-toi. Tu me fais marrer quand tu lui racontes que t'as été trompette. Trompette? Pour être trompette, mon vieux, il faut savoir donner le coup de langue. Le coup de langue, c'est ça. C'est pas tout de faire ta-ta-ta, il ta, ta, ah, faut oui. Faire ta-da-gada. Ta-da-gada, c'est vrai, c'est vrai. Ben voilà le civil qui m'a une claque. C'est pas tant, ça, hein? Non, pour sûr, c'est pas tant, ça. Mais je bourrais là, moi, au civil, c'est... C'est ça, c'est ça. Range-toi voir un peu que je te fasse ta couverte, là. Oh, je suis gelé, moi, bon Dieu. Allez, oust! Enlever le bœuf au chenil. Bon. À cette heure-ci, c'est à peu près comme tu veux, oui. Tu vois. Eh bien, en ce cas, maintenant, il faut nous laver, ça va bien, hein. Bonsoir. Oh. Oh, alors là, c'est... Merci, Lidoué. Te remercie beaucoup. Merci bien. C'est mon vieux. Je me rappellerai. Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Je me rappellerai toute ma vie. T'es venu me chercher à la porte. Tu m'as retiré mon falzar, mon sacco et mes tatines. Et que tu m'as fourré au pieu. Kiff, kiff, une maman. pour dire que je me le rappellerai. Quel idouel! Veux-tu que je te dise? Eh ben, t'es un beau cochon. Voilà ce que t'es. T'es un beau cochon. Oui, t'es un beau salaud. T'as une pauvre petite gueule. Je peux pas la regarder sans avoir envie de pleurer. Tellement qu'elle me rappelle le patelin. J'entends plus rien. Ce coup-ci, je crois que ça y est tout de même. Hein. Il a dû s'endormir. Il est temps, hein. C'était pas temps. C'était pas temps. Édouard. Édouard. Hé, Édouard. Mon Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas tant. J'ai un client sous mon lit qu'il soulève avec son dos. Ça monte, ça monte, ça monte. Oh, c'est pas tant. C'est la soulerie, Boivreau. Dors donc, va. La soulerie, pour la soulerie, bien sûr. Oh, bon Dieu. C'est pareil que c'est civil qui sera la foulée sous mon pieu et qui soulève pour m'embêter. Faut que j'aille voir. Vain Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Mon vieux salaud, je vais te dire une bonne chose. Je m'ai fichu les quatre fers en l'air. Et à cette heure, je peux plus me relever. Oh. Je sais pas comment ça se fait. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi que je suis trop sous? Viens-moi me relever, dit l'Édouard. Quoi? Eh ben, t'as la une de paille. Ah, tu seras frais, hein, Edmond, pour monter à cheval. Et la corvée et la manœuvre. Oui, je vais te relever. Sous l'eau. J'ai encore me gelé, moi. Mais ta cheval encore retomber. Je te laisse le derrière en l'air. Tu verras un peu, si t'y coupes. Derrière en l'air? Oui, le derrière en l'air. Mais mon colon. Riole, mais c'est comme ça. Oh, tu m'embêtes à la fête des fins. Ah? Mon Dieu, que j'ai soif. Qu'est-ce que tu dis? Je crève de soif, mon pauvre vieux. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Porte-moi à boire, s'il te plaît, Lidwer. J'ai point d'eau. Il y en a dans la cruche. Elle est gelée. Fais la cuire sur le poêle. Sur le poêle? Sur le poil, mais... Il faut que j'allume une cocotte. Le poil, maintenant. Ah, ça y est. Oui, je me suis brûlé. C'est ça. Moi, je brûle, et lui, il est froid. Ça y est, il a pris. Votre bout de journal. Ça y est. Allez, là. Bois donc. T'as pas besoin de faire une tête comme ça. C'est ma faute à moi. Je suis sous. D'abord, je te dirai une bonne chose. Il n'y a pas de monter dessous. Ça va ça, mon vieux. Bien sûr, non, qu'il y a point d'honneur dessous. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Le déshonneur, c'est d'embêter les personnes comme tu le fais. Tu vas prendre la semaine à un copain comme de la moi. Être obligé de se balader en botte molle à minuit par un froid de plus de 20 degrés. T'entends? 20 degrés, oui, au thermomètre du maréchal et du logis-chef. Les hommes de garde, ils en parlent la faction en sabot. Ça, c'est bon. À cette heure, t'as bu, pas vrai? Eh ben, rompé. C'est pas malheureux. T'as pas dit, t'es au chaud, toi. Je suis gelé, moi. Oh, je vais avoir la fièvre. Oh, ben, tant mieux. Je dirais l'infirmerie, au moins. Je vais donner la bougie. Bonsoir, cocotte. Oui. Je suis qu'un cochon. T'as raison, Lidwell. Je suis qu'un mufle. Je déshonore l'armée française. Veux-tu me ficher la paix, la biscotte? Je déshonore l'armée, que je te dis. Je suis plus digne d'être trompette en piège. Je vais me lever. Pourquoi faire? Je vais aller au magasin, rendre ma trompette au capitaine d'habillement. Mais t'es fou, voyons. Faut que je me lève encore, moi. Oh, je vais mettre le dolman, je suis gelé. Je suis déshonoré. La biscotte, écoute-moi. Je suis pas seulement foutu de donner le coup de langue. La biscotte, écoute-moi. Tiens, je vais la casser, ma trompette. Quoi? Veux-tu laisser ça, bon Dieu? Casser ta trompette à présent, en effet, des grands équipements, que tu ne pourrais pas du conseil et donner au moins une biribi. La biscotte, donne-moi ça. Je un peu moins de donne-moi biribi. Ça. Je voudrais te claquer, toi. Oh, rends-moi ma trompette, donne-moi... Mon Dieu, je veux tout prendre ma trompette, je te dis. Contre-appel. Qu'est-ce que vous faites là, vous, avec votre dolman et votre trompette? Je fais rien, mon lieutenant. Vraiment? Vous ne faites rien? Ben, prenez votre couverte, mon brave. Je m'en vais vous apprendre à garder de la lumière après l'extinction des feux et à faire le comédien avec un dolman et une trompette. Allez, vite! La biscotte fourrée à l'ours par une température pareille, c'est la congestion forcée. Y a rien de fait. Après tout, quoi, ça compte toujours sur le congé, la boîte. Il y a toujours la classe qui est là pour un coup. Je vous suis, mon lieutenant. Passez devant. J'ai envie de pisser, mon pauvre vieux.